Comment un proverbe peut raconter l'histoire ? Entre la poire et le fromage, Bianchon arriva, par d'habiles préparations, à parler de la messe en la qualifiant de momerie et de farce. Dans cette citation tirée d'un roman de Balzac, l'expression « entre la poire et le fromage » est utilisée pour signaler au lecteur la façon hâtive, brutale et imprévue dont Bianchon, le personnage de l'histoire, a disqualifié le rituel de la messe. Aujourd'hui encore, on emploie cette expression dans le même sens que Balzac, sans s'étonner que la poire soit placée avant le fromage, et non l'inverse, comme dans tout bon repas à la française. Voilà encore un bon exemple pour comprendre comment le passé pèse sur le présent. Jusqu'au XVIIe siècle, en effet, nos ancêtres mangeaient d'abord les fruits, puis les poissons, la viande et enfin le fromage. L'expression « entre la poire et le fromage » signifiait donc vers la fin du repas. Mais à l'époque de Louis XIV, c'est l'ordre inverse qui s'est imposé à la cour du roi de France. Les Français ont pris peu à peu l'habitude de terminer leur repas par un dessert après le fromage. Cet exemple montre que les expressions ou les proverbes qui évoquent notre alimentation peuvent être d'un grand intérêt pour la recherche historique. C'est cette conviction qui a guidé l'enquête réalisée par l'historien italien Massimo Montanari, spécialiste de l'alimentation médiévale. Il a pris pour fil conducteur un proverbe populaire en Italie, mais assez obscur, que je vous cite en français. « Ne dis pas aux paysans combien le fromage est bon avec les poires. » Pour comprendre le sens de ce proverbe, Massimo Montanari a retracé toute l'histoire économique, sociale et culturelle de deux aliments en apparence tout simples, le fromage et les poires, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. Il a montré qu'à l'origine, ces deux aliments n'étaient pas associés dans un même repas. Le fromage était surtout consommé par les classes populaires dans les campagnes. À l'inverse, la poire était un fruit particulièrement apprécié par les classes dominantes. L'association de ces deux aliments est apparue à la Renaissance, au moment où ont émergé en Italie, puis dans d'autres pays européens, des spécialistes du bon goût. Le proverbe « ne dis pas aux paysans combien le fromage est bon avec les poires » serait né au sein des élites influencées par ces experts dans un souci de distinction sociale. Les normes alimentaires qui définissaient désormais le bon goût utilisaient des aliments produits par la paysannerie et souvent consommés par elle, mais les élites voulaient s'en réserver le bon usage. Massimo Montanari montre que beaucoup de proverbes que l'on dit « populaires » sont nés à cette époque au sein des élites cultivées, soucieuses de se distinguer du peuple. C'est seulement à partir du XVIIIe siècle que les petites gens, comme on dit, se sont emparés de ces dictons au point parfois d'en retourner le sens. L'auteur en fournit une illustration en citant une version plus tardive du même proverbe qui dit « Ne dis pas aux paysans combien le fromage est bon avec les poires ». Mais le paysan, qui n'était pas couillon, le savait avant le patron.